dommage. J'ai envie d'essayer. Merci. De copier le truc là. Merde, j'ai perdu le lien. Alors. Oh putain, ça marche toujours pas, le contrôle C, c'est ça? Il va falloir que je le note. Collé. Ah, c'est ça. Alors après. Je suis en train de les regarder. Voilà.